parenthèse de plus. Pas pu admettre qu'un gouvernement laisse crever sa jeunesse au son de la Marseillaise pour une grosse bidon. Alors que toute la France buvait, pétait, rotait en toute tranquillité. Liberté, liberté. Si je pense comme ça mon vécu, c'est que je pense pas en vaincu. Moi et mes gars on vaincra toutes ces différences, ces a priori, ces clichés, ces têtes de con. D'ici à l'Elysée, prêt à cracher nos idées sans hésiter. Face à ces postichés patrons ou de haut placé, j'en suis agacé. Prêt à planter même seul mon piquet. Pitié, faut que ça change avant que la corde finisse par craquer. Fais croquer, je suis chaud. Et s'il le faut, j'y laisserai ma peau. Bien plus que porte ton drapeau. J'ire mon chapeau à ceux qui se battent. Ce drive est gradior, loin de ces gratte-ciels et de ces ghettos. Une grande majorité se garde tout le gâteau. Mais t'inquiète, un jour, la voix du ciel ne leur fera pas de cas. On a grandi au galop, bien loin de nos vies d'ado. À mes flux trop de galop, être bédo, voyons. J'squatte le réseau à pinceau en go. Accro au mot, j'fixe mon tarot. J'balance mes acronymes, accro à ma rime. J'viens pour un message et non pour des mensonges. Un nouveau passage pour que ma cause se précise, se dessine. Ma voix se dessine, se précise quand j'explose ou je m'exprime. Ma chaîne des musiques, voilà la surprise, une prise ready. Pour ce petit ce que dit, major en l'air, j'm'en tape de ce qu'on dit. En cœur, la lutte est permanente, à l'affût sans m'y perdre là-dedans. J'attends le beau temps, j'tente loin du butin. J'reste indépendant et j'resterai fier d'en être un. Et j'resterai fier d'en être un. Give me a motherfucking break. Interesting technique.